j'avais passé. Non, non. Si, c'est 50 minutes là. J'avais passé. C'est 50 minutes. J'ai vu en tout cas, c'est ça.